Again, today is our Thanksgiving day. Heute ist unser Danksagungstag. Aujourd'hui c'est notre jour de l'action et action de grâce. Amen. Amen. And even last Sunday, we started last Sunday. Amen. And I thank the Lord that we are even still here for Him. Ich danke dem Herrn, dass wir immer noch für ihn da sind. Je remercie l'Éternel parce que nous sommes toujours là pour lui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I really thank Him the strength He gave us to be here with Him. Ich danke ihm für die Kraft, die er uns gegeben hat, hier zu sein mit ihm. Je remercie l'Éternel pour la force qu'il nous a donnée, la puissance d'être la force qu'il nous a donnée d'être continuer avec lui ici. Remember, I said the power that raised Jesus Christ from the dead. Dwell in us. Erinnert euch daran, er sagt, die Kraft, die Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Rappelez-vous, il a dit que la puissance qui a fait ressusciter le Jésus-Christ des morts, c'est cette puissance qui vit en nous. And that's why there's nothing we cannot stand. Deswegen gibt es nichts, was wir nicht ertragen können. Et c'est pour cela qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas surmonter. Amen. Amen. Romans 8 said that the power that raised Jesus from the dead dwell in us. In Römer 8 steht, dass die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, in uns wohnt. Romain 8 nous a dit que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ est mort, nous est vraiment est en train de demeurer en nous. There's no power that can be compared to that power. Und keine Kraft kann sich damit messen. Amen. Imagine-toi, c'est cette puissance qui lui a ressuscité. Il y a aucune puissance qui est plus forte que la puissance qui a de la résurrection. Just meditate on that. Power, the magnitude of that power. Sinne einfach über die Mächtigkeit, die Größe dieser Macht nach, die Christus von den Toten auferweckt hat. Tu dois méditer sur la grandeur de la puissance de cette puissance qu'il a de la résurrection. Essaye de d'y penser maintenant. You know, if you look at death is so powerful. Wenn du dir den Tod anschaust, der Tod so kraftvoll. Si toi tu vois la mort est vraiment a vraiment une grande puissance. I hear people always say that what man does not have control over is death. Ich habe schon oft gehört, dass Menschen sagen, das, worüber der Mensch keine Kontrolle hat, ist der Tod. J'ai écouté les gens dire que la chose où les gens n'ont pas de contrôle, c'est la mort, parce qu'il y a aucune personne qui peut contrôler la mort. But the power that lives in us. Control death. Amen. Diese Kraft, die in uns wohnt, kontrolliert den Tod. Mais nous, la puissance qui vit en nous, qui demeure en nous, ça contrôle la mort. Praise the Lord. Parce que ça a ressuscité déjà Jésus-Christ, en fait. You know, death is so terrible. Der Tod ist schrecklich. La mort est terrible. Once it kills, it finishes everything concerning that man. Wenn es tötet, that person. Dann löscht es diese Person komplett aus. Parce que la mort est vraiment terrible. Quand il tue, ça détruit, donc ça... Ça anéantit tout ce qui concerne cette personne. Il n'y aura plus, même pas une trace de la personne. Are you getting it? The only person who could not have power over, because of that power, that power that is greater than evil death. Amen. Die einzige Person, über die er keine Kraft haben konnte, weil diese Kraft von ihm größer ist als das. Diese Kraft wohnt in uns. Et il y a qu'une seule personne que la mort n'a pas pu toucher, n'a pas pu être capable à tuer. Et cette puissance là, cette personne là, elle vit en toi. Il vit en toi. So you have to know how powerful you are. Sie musst du wissen, wie kraftvoll du bist. Et c'est pour cela que tu dois savoir à combien tu es, comment tu es puissant. Tu dois le savoir. You are never powerless. Du bist niemals kraftlos. Tu n'es pas sans pouvoir. Tu n'es jamais sans pouvoir. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I heard of a man that wanted to imitate Jesus Christ. He said, when he died, we rise up again the third day. And the third day, as he was coming up, trying to come up in India, as he was trying to come, or there was a thunder from heaven that struck him, that it even scattered everything. Yeah, I have heard of a man like that. That he said, once he dies, he's going to rise up again. And you know, he wanted, you know, Satan, we always want to imitate Christ. Mm-hmm. So that you will just see that people will not say nothing, it is, you can see that it's nothing. Mm-hmm. But you know, that man, as he wanted to, there was thunder from heaven. that just scatter everything concerning his grave. Destroy everything. No one can imitate Christ Jesus. Niemand kann Christus Jesus imitieren. Es gab mal einen Menschen in Indien, der behauptet hat, so wie Jesus zu sein und sich dann hat gesagt, dass er auch am Kreuz sterben würde und dann am dritten Tag auferstehen. Und als er das dann getan hat, sich hat kreuzigen lassen und auferstehen wollte am dritten Tag, wurde dieser Prozess von einem Donnerschlag komplett zerstört, weil anscheinend das einfach eine satanische Kraft dahinter stand, die wirklich versuchen wollte, diesen Mann wieder von den Toten aufzuerwecken. Ja. Aber das wurde aufgehalten von dem Heiligen Geist, weil diese Menschen immer diese Dinge tun, um das Werk von Christus zu verharmlosen, oder das Werk von Christus zu belächeln. Aber das, was Christus getan hat, das kann niemand nachahmen. En fait, il y avait par exemple, il y a une personne qui voulait imiter ce que Jésus-Christ a fait. La puissance de Jésus-Christ, tu ne peux pas l'imiter d'abord. Mais il y avait quelqu'un en Inde qui a essayé de l'imiter. Il a dit que moi, je veux aussi mourir. Et après, je veux vouloir aussi, après le troisième jour, me ressusciter, vu qu'il avait aussi des esprits. Et quand il voulait ressusciter, il y a eu un tonnerre qui est venu bouleverser, qui est venu stopper sa résurrection, en fait, de cet homme-là. Pour te faire voir que l'Éternel ne va pas aussi laisser que quelqu'un puisse l'imiter, parce qu'il n'est pas un Dieu à imiter. Il est le seul. Praise the Lord. Hallelujah. No one can imitate the power of the Holy Spirit. Niemand kann die Kraft des Heiligen Geistes nachahmen. Il y a personne qui est capable à imiter la puissance du Saint-Esprit. Remember Jesus, I know Paul, I know who are you? Erinnert euch an die Situation, wo der Satan selbst gefragt hat, Jesus kenne ich, Paulus kenne ich, wer bist du? Imagine-toi, rappelle-toi que même à l'église, à la Bible, il est écrit une puissance qui a dit que Jésus je connais, Paul je connais, il a dit aux gens, mais vous qui êtes-vous? Praise the Lord. Amen. We quickly go through the narrow gate. Wir werden ganz kurz über das schmale Tor sprechen. Das schmale Tor, der schmale Weg. Aujourd'hui, on va parler. Notre message, c'est le chemin qui est étroit. Amen. Étroit. Le chemin étroit. You have to know what the narrow gate really means. Du musst wissen, was dieser schmale Weg wirklich bedeutet. Tu dois savoir qu'est-ce qui signifie le chemin étroit. For you to be able to go through, you have to squeeze yourself through. Um da durchzukommen, musst du dich durchquetschen. How much more when you carry load? Wie viel mehr, wenn du da mit Sack und Pack unterwegs bist. Le chemin qui est étroit, pour y passer, tu dois vraiment te coincer pour passer là-dedans, parce que c'est vraiment très peu. On va le lire à Hébreux 12. Praise the Lord. Hallelujah. How much more when we carry load? Wie viel mehr, wenn wir mit Last beladen sind? Et combien de plus ça sera difficile si on a beaucoup des fardeaux avec nous? Hébreux 12. Amen. Amen. There are a lot of loads and different loads that Satan will want you to carry. Es gibt viele Lasten, die der Satan uns aufbürgen möchte. Il y a beaucoup des fardeaux. Okay. Il y a beaucoup de fardeaux ou des charges que le diable veut que tu puisses avoir sur toi. Hébreux 12, verset 1. On va lire Hébreux 12, verset 1. Amen. Praise the Lord. Amen. It says, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. And the sin which does so easily beset us, let us run with patience the race that is set before us. Praise the Lord. Hallelujah. And how to run that race is verse 2. Wie wir diesen Lauf vollbringen, ist in Vers 2. Et verset 1 nous dit que courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et comment le faire? C'est dans le verset 2. Amen. And how to get rid of that weight is verse 2. Wie wir diese Last loswerden, ist in Vers 2 und in Vers 3. Comment se décharger de cette charge? On va le voir dans verset 2. You know, the how is what the Lord help us to understand. Das wie erklärt uns der Herr hier? Comment le comment c'est l'Éternel qui nous explique aujourd'hui ici. He said, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Indem wir auf Christus Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Comment se décharger de cette charge? C'est Hébreux 12 verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen. Amen. For who? Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand of the throne of God. Verse 3. He said, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest you be wearied and faint in your minds. Praise the Lord. Amen. He said, consider Christ alone. Er achtet Christus alleine. Il a dit ici, on doit considérer, en effet, considérer en celui qui a supporté contre la personne une telle opposition. Donc, c'est Jésus-Christ. Amen. Looking unto Christ Jesus alone. Alleine auf Christus Jesus schauen. Regardez seulement vers Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to Matthew 7. Matthieu 7. Matthieu 7. Matthew 7. We read verse 13 and 14. Matthieu 7, 13 et 14. He said, enter ye in at the straight gate. For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it, very few. Entrez par la porte est étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. It's a few there be that find it. Nur wenige finden. Very few. Nur sehr, sehr wenige. Donc il y a vraiment peu qui trouvent ce chemin étroit. And that's why we should not be surprised of the old world. That only 8 people were saved. Dass in der alten Welt nur 8 Leute errettet waren. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas être surpris de l'ancien monde où il y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. Because only few. There be that find it. Nur wenige finden diesen Weg. Parce qu'il y a que peu de personnes qui retrouvent ce chemin. And we should not be surprised of how many are we here. Wir sollten nicht darüber verwundert sein, wie viele Leute wir hier in dieser Gemeinde sind. Et on ne doit pas être surpris de combien de personnes nous sommes ici à l'église. Except if you call Jesus a liar. Sei denn, du nennst Jesus ein Lügner. Sauf si tu appelles Jésus-Christ un menteur. Because he said, few there be that find it. Denn er sagt, nur wenige finden diesen Weg. Parce qu'il a dit qu'il y a que peu de personnes qui trouvent ce chemin. Is somebody getting it? We should not be surprised of two cities, only 3 people saved. Wir sollten nicht darüber verwundert sein, dass in 2 Ständen nur 3 Leute errettet waren. On doit pas être Beispiel von Sodom und Gomorra. On doit pas être surpris, dans 2 cités, Sodom et Gomorre, il y avait que 3 personnes qui étaient capables à être sauvées. Amen. Amen. And to save them, they could not find just how many, 10 people or 8 or 5 people. Und sie zu retten, the few people, nur, they could not find. Konnten sie Abraham negotiated with God. Abraham musste mit Gott verhandeln. Donc même pour sauver ces 3 personnes, c'était pas facile parce que Abraham a dû négocier avec Dieu pour et sauver même ces 3 personnes qui sont mortes, um die Stadt zu verschonen. We should not be surprised because few there be that find it. Wir sollten nicht verwundert sein, denn nur wenige finden dieses Tor und diesen engen Weg. On ne doit pas être surpris parce qu'il y a que peu de personnes qui cherchent, qui trouvent ce chemin étroit. Amen. Amen. Because the narrow gate is occupied with love relationship with Christ Jesus. Denn das enge Tor ist umgeben von einer Liebesbeziehung mit Jesus Christus. Parce que le chemin étroit est entouré à la relation amoureuse de Jésus-Christ. And we know that they hate Jesus. Wir wissen, dass sie Jesus hassen. Et nous, on sait qu'ils détestent Jésus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The narrow gate is full of correction. Das, das enge Tor ist voll von Belehrung. Le chemin étroit est plein et vraiment rempli de correction. I will know that correction is very painful to the flesh. Wir wissen, dass diese Belehrung sehr schmerzhaft ist für das Fleisch. Et on sait que la correction c'est vraiment douloureux pour la chair. Amen. And we know the narrow gate is full of Christ's plan, will and his purpose. Und dieses enge Tor ist voll von den Plänen und den Willen von Jesus Christus. Et ce chemin étroit est plein de plans et de la volonté de l'Éternel pour toi dans ta vie. Amen. The narrow gate is full of change. Dieses enge Tor ist voll von Veränderung. Ce chemin étroit est plein de changements. Everything there. Everything is changed. Alles ist da verändert. Tout ce qui est là-dedans, tout ce qui est en toi, ça va changer dès que tu trouves. Because it's opposite this world. Das ist das Gegenteil dieser Welt. Parce que le chemin étroit, c'est le contraire de ce monde ici. Is somebody getting it? The narrow gate is opposite everything here on earth. Dieses enge Tor ist voll mit dem Gegenteil dieser Welt. Le chemin étroit est vraiment plein du contraire de ce monde. What to love, what to hate. Was wir lieben, places to go. Qu'est-ce que aimer? The who you have relationship with. Mit wem du Beziehung hast. Dans ce chemin étroit, c'est le contraire de ce que dans ce monde, ce que tu aimes, ce que tu détestes, avec qui tu as les relations. Ce chemin étroit, ça règle aussi tout ça. Somebody that was once your mother is no longer your mother. It's full of change. Eine Person, die vorher deine Mutter war, ist heute nicht mehr deine Mutter. Das ist voll von Veränderung. Das ist enge Tor. Une personne qui était ta mère, aujourd'hui n'est plus ta mère. Ça, c'est le chemin étroit. Amen. A sister is no longer a sister. Eine Schwester ist keine Schwester mehr. Une sœur qui n'est plus une sœur. Just like Jesus, he said, my father, my mother, my parents, they are only this. Are you getting it? The narrow gate is full of change. Die Familie von Christus. Tout comme Jésus. Tor ist voll von Veränderung. Tout comme Jésus-Christ lui-même aussi, il a utilisé ce chemin étroit. Il a dit que mon frère, ma soeur, ma mère, ce sont seulement ces personnes ici. Praise the Lord. Amen. Amen. Remember Jesus teaching us how to pray. Erinnert euch daran, Jesus uns beigebracht hat, wie man betet. Rappelle-toi, Jésus-Christ a dit comment prier. Before we go to Matthew 6, let us go to 2 Corinthians 5. 2 Corinthians 5. Praise the Lord. 2 Corinthians 5. Talks about the narrow gate. Da gibt's auch um dieses enge Tor. On va lire 2 Corinthians 5. Là, il parle aussi du chemin étroit. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. 2 Corinthians 5, Vers 17. 2 Corinthians 5, Vers 17. Are we there, please? He said, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. He's talking about the narrow gate. Es geht um dieses schmale, enge Tor. Si quelqu'un est en Christ, les nouvelles créatures. Ici, il parle du chemin étroit. A new creature. Eine neue Schöpfung. Une nouvelle créature. All things pass away. Les choses anciennes. There's a change. Das Alte ist vergangen. Es gibt eine Veränderung. Les choses anciennes sont passées. Donc, ça, c'est le changement. He said, behold, all things have become new. You can see the narrow gate. Man kann dieses schmale Tor sehen. Il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, tu vois le chemin étroit. There's change in everything. Es gibt eine Veränderung in allem. Il y a un changement dans tout. And we know that man hates change. Wir wissen aber, dass der Mensch Veränderung hasst. Et nous, on sait que l'être humain déteste les changements. Praise the Lord. Hallelujah. Again, remember Jesus teaching us how to pray. Go to Matthew 6. Jesus, der uns beigebracht hat, wie man betet. Matthieu 6. Rappelez-vous à Jésus-Christ, quand il nous a appris comment prier. Matthew 6. Dans Matthieu 6. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 9 and 10. Matthieu 6, 9 und 10. Matthieu 6, verset 9 à 10. Praise the Lord. Hallelujah. He said, in verse 9 of Matthew 6, he said, how to pray. Pray after this manner. Therefore, pray ye, our Father which art in heaven. Pray unto another father. Can see there's a change here. No longer your natural. You know, you are. We all know our natural father. But this time it's going to be another father. Bete zu einem anderen Vater. Wir alle kennen unseren natürlichen Vater, aber es geht um den himmlischen Vater, den wir jetzt kennenlernen und jetzt anbeten sollen. In Matthieu 6, 9 nous dit ici, on doit prier avec un autre nom, parce qu'il dit, voici notre Père qui est aux cieux. Plus le nom de ton Père naturel, tu pries au nom de ton nouveau Père, vu que tu es une nouvelle créature. Our Father who art, where is this Father? The Father that is not here on earth. Mm-hmm. Amen. That he is of another country, another world. Anderem Königreich, zu einer anderen Welt gehört. Ici, il a spécifié ça. Il a dit que pas seulement un autre père. Il a dit un autre père qui est aux cieux. Il a dit où se trouve ce père. Un autre monde, une autre dimension. Praise the Lord. Amen. A change of father. Un neuen Vater. Un nouveau père. Un changement. The only true father. That we are not used to. We have not been used to him. And that he said, pray unto him. An dem wir nicht gewöhnt waren, aber dennoch sagt er, wir sollen ihn anbeten. Le seul vrai bon Dieu, le seul vrai bon Père, laquelle on n'est même pas habitué à lui, mais on doit être habitué, on doit, oui, mais on doit lui adorer. We have been so used to our earthly father. But now, a change. Of father. So gewöhnt an die irdischen Väter, aber jetzt gibt es eine Veränderung, wir haben jetzt einen himmlischen Vater. Et on est vraiment habitué à notre Père charnel, et maintenant on a un nouveau Père, et le Père est céleste. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 10, look at verse 10, please. Verset 10. The kingdom come. He said we are to pray that another country come. Wir sollen beten, dass ein neues Land kommt. Il a dit que, country. Kingdom is a country. Que ton règne vienne. Donc on doit prier que soit un autre monde puisse venir. Das Reich ist ein Land. Parce que c'est un autre, un royaume, c'est un pays. His own country to come here on das earth. Sein eigenes Land hier auf Erden kommt. Que son propre monde puisse venir ici dans cette terre. A kingdom different from the kingdom of this world. Ein Königreich, was anders ist als dieses Reich hier. Un royaume qui est différent de ce monde ici. He said we need another kingdom. Wir brauchen ein neues Königreich. Parce qu'on a besoin d'un autre, un nouveau royaume. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. Because the old has been polluted. Denn das alte Königreich wurde verunreinigt. Parce que l'ancien royaume a été pollué. There's destruction everywhere, that of the old. In diesem alten Königreich ist es voll von Zerstörung. Dans l'ancien royaume, il y a beaucoup de destruction. It belongs to another god, which is the god of this world. Es gehört zu einem anderen Gott, dem Gott dieser Welt, Satan selbst. Et ça appartient à un nouveau dieu, et un autre dieu, et le dieu là, c'est le diable lui-même. He said there's a change of another kingdom. There's a change of a kingdom. The kingdom, that the evil kingdom, is now there's a change. You know, a heavenly kingdom is. We to pray that heavenly kingdom should come here to change the evil kingdom. Wir sollen dafür beten, dass das himmlische Königreich das teuflische Königreich sozusagen ersetzt. On doit prier que le royaume des cieux puisse changer. Ou bien remplacer le royaume de ce monde, le royaume diabolique de ce monde. And that's why once you come to Christ Jesus, you are no longer here. You are in heaven. Wenn du dann zu Christus Jesus kommst, gehörst du nicht mehr hier hin. Du gehörst jetzt zum Himmel, denn das ist das Gebet, was Jesus gesagt hat, dass wir beten sollen, dass wir zu seinem Reich gehören. Et c'est pour cela qu'il te dit que dès que tu deviens à lui, tu dois prier qu'on puisse appartenir à son royaume et plus au royaume d'ici. That heaven should come here. Dass der Himmel hier now you're going to heaven, but heaven should come nicht, here. Nicht, dass du in den Himmel gehst, sondern dass der Himmel hier auf Erden ist. Que le royaume puisse venir ici. Pas que toi, tu puisses partir au royaume, mais que le royaume puisse venir ici. If you look at Christianity today, it's all about you are going to heaven. Wenn du das Christentum anschaust, geht es darum, in den Himmel zu gehen. Et si tu vois le christianisme, il s'agit toujours de partir dans le royaume. Christ said, we should pray that heaven should come here. Christus sagt, aber wir sollen beten, dass der Himmel hier auf Erden ist. Mais le Christ dit qu'on doit prier que le royaume puisse venir ici, sur terre. Amen. Amen. A change of kingdom. Ein verändertes Königreich. Un royaume qui a changé. No longer the evil kingdom that we that we are all born into. Nicht mehr das bösartige Königreich, dass wir alle hineingeboren worden sind, unfreiwillig. Donc il s'agit plus du royaume si mauvais, si démoniaque là où on est, on a grandi avec nos parents. Amen. Praise the Lord. We are now being born by God. Wir sind geboren aus Gott. Amen. John 1. If you go to John 1, I see it is there. Johannes 1, ça lit de nous sommes maintenant nés de Dieu lui-même. On va lire à Jean 1. Praise the Lord. From verse 11, please. Jean 1, verset 11. He said he came into unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Verse 13. Which we are born not of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. You have been born. Until Christ give birth to you, you cannot even be in this. You cannot even see that kingdom. How much more to enter? Erst wenn Christus dir das Leben schenkt, kannst du dieses Königreich sehen, geschweige denn es darin leben. Si seulement l'Éternel te donne la naissance, là tu es capable de voir, d'entrer dans le royaume des cieux. Mais si tu ne le fais pas, tu n'es même pas capable d'avoir même une petite trace de ce monde-là. Tu ne peux pas le voir. C'est seulement quand l'Éternel te donne naissance, te change. Colossiens 1, please. Colossiens 1, peut-être. Colossiens 1. Vers 12 et 13. Colossiens 1, 12 et 13. Colossiens 1, 12 et 13. Remember, today is our Thanksgiving day. Rappelez-vous, aujourd'hui, c'est notre jour de l'action de grâce. Amen. It's a reminder. It's a reminder that we are to be given thanks unto the Father, which has made us to be partaker of the inheritance of the saints in life. Amen. In dieser Danksagung erinnern wir uns daran, dass wir errettet worden sind aus der Herrschaft der Finsternis und versetzt worden sind in sein Reich. Mm-hmm. Et dans cette quand on est reconnaissant, on donne notre offrande, on se rappelle qu'on a été racheté du royaume de ce monde et maintenant qu'on appartient à lui. Verset 13. Vers Colossiens 1 verset 13. Who deliver us from the power of darkness? Praise the Lord. Hallelujah. And have translated us into the kingdom of his dear son. Mm. We are of another kingdom. The earlier you know that, the better for you. Wir gehören zu einem anderen Königreich. That's how everything here, they are going to run away. All those evil, they are going to run away. Umso früher du das weißt, umso besser. Weil dann werden auch die Dinge von diesem Königreich, zu dem du eben nicht mehr gehörst, die auch nicht mehr, dich nicht mehr interessieren und dich auch nicht mehr jagen. Colossiens 1, 13, qui nous dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Et c'est comme ça, si tu es enraciné, tu comprends ce verset, c'est comme ça que tu vas voir que tous les problèmes ici sur terre, ça ne va même pas t'affecter parce que tu es dans notre monde maintenant. Here he's telling us that this kingdom, the heavenly kingdom, belongs to Christ. Hier steht, dass dieses himmlische Königreich Jesus Christus gehört. Ici, ça nous dit que le royaume des cieux, ça appartient à Jésus Christ. It means it is only through Christ you can be born into this, das heißt, into this country. Durch Christus Jesus kannst du in dieses Königreich hineingeboren werden. Ça signifie que seulement à travers Jésus Christ tu es capable d'être né dans ce royaume. Amen. Amen. The narrow gate is full of change. Dieses enge Tor ist voll von Veränderungen. Ce chemin étroit est plein de changements. No longer your own will, but the will of Christ. Nicht mehr dein eigener Wille, sondern der Wille von Christus. Il s'agit plus de ton propre ta propre volonté. Il s'agit de la volonté de Jésus Christ. Amen. No longer your own will. Things you know the song we sang today. Things I used to love. Things I used to desire. Since you know how the game I used to play, you better allow everything to now be Christ. Amen. Und alles dein Wille ist sein Wille ist jetzt dein Wille. Und deswegen haben wir auch dieses Lied gesungen, dass wir die Dinge nicht mehr tun, die wir vorher getan haben. Die Dinge, die wir gespielt haben, die Dinge, die wir gesehen haben, die Orte, an denen wir waren. Alles ist neu jetzt geworden, Christus. Tu dois vraiment vouloir que tout devienne nouveau en Jésus-Christ. Tout va changer. Les histoires que tu aimais avant, que tu ne les aimes plus. Go back to Matthew 6, please. Matthew 6. Before we go to Romans 12, too. Matthew 6, verse 10. Matthew 6. Matthew 6. Verse 10. Praise the Lord. Amen. Yes. He said, thy kingdom come, thy will be done on earth. His will and not your will. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. A change of will. Na, und es ist nicht mehr dein eigenes Reich, was kommen soll, es ist auch nicht mehr dein eigener Wille, der geschehen soll, sondern der Wille des Herrn und sein Reich. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça signifie que maintenant il s'agit de la volonté de l'Éternel et pas la propre, ta propre. Are you getting it? He have heavenly will for you. Il a un himmlischen Willen für dich. Il a une volonté céleste pour toi. Amen. And as long as you come to him, that the old will must pass away. Also, wenn du zu ihm kommst, you allow it to be passed away. Ist der alte Wille, dein eigener Wille, Vergangenheit sein. Go to Romans 12. Vergangenheit sein. Et donc, ça signifie que dès que tu viens vers lui, sa volonté, c'est la tienne. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Thank you, Daddy. Romans 12, verse 2. Römer 12, verse 2. Romans 12, verse 2. Amen. Amen. He said, I be not conformed to this world, the system of this world. Their method, what they learn, what they, change the old. Nicht diesen, don't remain in the old. There's a change. Diesen Weltlauf an, diesem Weltsystem, die Art und Weise, wie sie Dinge auf dieser Welt hier tun. Il nous dit ici à Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ne sois pas habitué à faire les histoires comme eux dans ce monde. Ils font. Are you getting it? praise the Lord. Hallelujah. But be ye transformed. By the renewing of your mind. It is from inside out. C'est von innen nach außen. Donc, sois vraiment transformé, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, ça signifie que ça vient de l'intérieur à l'extérieur. Allow Christ to transform the inside of you. Lass zu, dass Christus das Innere von dir verwandelt. Tu dois vouloir que le Christ puisse transformer ton intérieur. And hope you know already how he can transform the inside of you. Wisst, wie diese Erneuerung stattfindet. Et j'espère que vous connaissez, vous comprenez comment il est en train de transformer. He said by obeying the truth. Indem wir der That's Macht how you clean your soul. So reinigen wir unsere Seele zum Gehorsam. That's comment on le fait, c'est quand on est en train de purifier notre âme dans 1 Pierre. Praise the Lord. Amen. Then here he said that you may prove what is that good. Amen. The union of the mind, there is a result. Die Erneuerung deiner Gedanken hat ein Ergebnis, hat ein Resultat. Quand tu renouvelles tes pensées, il y a toujours un résultat. Amen. Amen. It's going to be a fruit. Es wird Frucht bringen. Et tu vas récolter des fruits. What is that good? An acceptable and perfect will of God for you. Und diese Erneuerung der Gedanken wird dafür sorgen, dass du den Willen Gottes unterscheiden kannst vom Willen des Satans. Et ce renouvellement de pensée, ça va t'aider à comprendre la différence entre la volonté de Dieu et la volonté du diable pour toi. Amen. And here he's helping us to know that to find God's will does not come by prayer. Gottes Willen zu finden kommt nicht durch Gebet, sondern durch Gedankenerneuerung. De comprendre la volonté de l'Éternel, ça vient pas quand tu pries beaucoup, ça vient quand tu renouvelles tes pensées. Are you getting it? If you allow him, if you believe the truth, the message is the truth. You believe it, you act on it. It will clean your inside. Then you can prove what is good and acceptable and the perfect is perfect will for you. Wenn du der Botschaft glaubst und diese Botschaft ist die Wahrheit, dann wirst du diese Wahrheit auch umsetzen und so reinigst du deine Gedanken, deine Seele und so kannst du prüfen, was der Wille Gottes ist. C'est comme ça, tu vois, ça fonctionne comme ça. Tu écoutes le message, tu le crois, parce qu'il a dit que quand tu crois à la vérité, c'est comme ça que tu renouvelles tes pensées, c'est comme ça que tu... oui, tu le crois. Et puis, à travers ce que tu crois, tu vas éprouver, tu vas examiner ce qui se passe autour de toi. Et c'est comme ça que tu vas savoir la volonté de l'Éternel pour toi dans ta vie. Donc, tu écoutes, tu obéis, tu l'examines. Et c'est comme ça que tu vas savoir ce qu'il veut pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. No, everything in his kingdom is a change from inside. Alles in seinem Königreich ist eine Veränderung, die von innen nach außen stattfindet. Donc tout dans son royaume, c'est un changement de ce qui se passe en l'intérieur. How to prosper, how to be in good health. If you go to 3 John, is there? Wie wir Erfolg haben, wie wir Gesundheit haben. Go there, please. Lesen wir in 3. Johannes. Comment avoir le succès, comment avoir tout qui est bien. Ça, on va le voir ici aussi à Jean. 3 Jean. Praise the Lord. 3 Jean. 1. Vers 2. Vers 2. He said, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospereth. 3 Jean 1. The inside. How the inside is, that is how your outside is going, das to, innere is going to be. Das wird das Äußere widerspiegeln. 3 Jean 1. It's not by prayer. Bien-aimé, je vous souhaite que tout que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. I hope you understand. Amen. Amen. If you look at Christianity today, it's all about prayer. Wenn du dir das Christentum anschaust, geht es auch nur um Gebet. Sie hassen die Wahrheit. Prayer and fasting. Le christianisme, ils détestent la vérité. C'est pour cela qu'ils font que du jeûne de prière. Amen. You cannot replace the truth with prayer and fasting. Du kannst die Wahrheit nicht mit Gebet und Fasten ersetzen. Tu ne peux pas changer ou remplacer la vérité à travers les jeûnes de prière. You see it here. He said, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospereth. It is how your soul prospers, the inside. How you allow him to change the inside. And not through fasting and prayer. So wie es deiner Seele wohlergeht, so wird es auch dir gehen. Diese Veränderung kommt durch die Wahrheit und nicht durch Gebet und Fasten. Je te souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonté, comme prospère l'état de ton âme. Donc ça signifie que ce changement, ça vient de ton intérieur à l'extérieur. Et c'est ça que tu dois savoir, c'est à travers le renouvellement de pensée. And that's why we don't prosper through our job. Deswegen haben wir nicht Wohlergehen durch unseren Beruf. On n'est pas en train de prospérer à travers the prosperity, le travail. The prosperity have for you is not through your job. Dieser Reichtum, dieser Wohlstand, den er für dich hat, ist nicht durch deinen Arbeitsplatz. Et le fait que tu as prospéré, c'est pas à travers un nouveau travail ou bien que tu reçois beaucoup plus d'argent. It's not through your education. C'est nicht durch deine Bildung. Ou bien à cause de ton éducation ou bien à l'université. You know, Christianity and the world, the system of this world. You know, everything here is through your job. Through everything comes, your certificate. But once you come to the kingdom, your prosperity, everything comes from inside. Amen. Und in der Religion, auch im Weltsystem, verlassen sie sich auf ihre Werke, auf ihre Arbeit, die ihnen Wohlstand gibt und die ihnen Wohlergehen gibt. Aber im Königreich von Christus, es kommt alles von innen, von Christus selbst. Et ici, par exemple, dans ce royaume ici, quand tu dis que tu es quelqu'un de prospère, c'est parce que tu as un bon travail, tu es vraiment bien éduqué, des histoires comme ça. Mais nous, les enfants de Dieu, ça vient du royaume de l'Éternel. Donc ça vient de notre esprit. Amen. Amen. Your divine health does not come by tablet or through doctor. It comes by gospel. Amen. Deine göttliche Gesundheit. Deine göttliche Gesundheit kommt nicht durch Medikamente, gute Ernährung oder Sport. Es kommt durch Jesus Christus, seine Wahrheit. Amen. Donc ta bonne santé, ça vient pas à travers les médicaments ou bien c'est que le docteur dit non, ça vient à travers la vérité. C'est ça ton médicament à la fin. Amen. Amen. If you look at Joseph was in prison. He was a prosperous man. Josef war im Gefängnis und er war ein wohlhabender Mensch. Tu vois, Joseph il était dans le dans la prison, mais il était quelqu'un qui est vraiment très prospère. Amen. He must believe it. Und er musste das glauben. Mais il a dû le croire. If you cannot believe, how can he do it through you? Weil wenn du walk through you? Selbst nicht glauben kannst, wie soll der Herr dann durch dich arbeiten? Mais si tu n'es pas capable à le croire, ce qu'il te dit, comment il va travailler à travers toi? Comment il va le mettre visible en toi? Parce que tu ne crois pas, parce que lui, il marche seulement à travers ta foi. Amen. Christ's kingdom is not a kingdom of darkness. That's a kingdom of ignorance. It's not. You must know. Das Königreich von Christus ist kein Königreich der Finsternis, ein Königreich der Ignoranz, sondern durch Erkenntnis kommt diese Freiheit. Le royaume des cieux, c'est pas un royaume d'ignorance ou bien de l'obscurité. Tu ne vois pas, tu ne sais pas. Non. Tu vas avoir tout à travers la connaissance. Dès que tu connais, dès que c'est visible pour toi, c'est là que tu, oui, amen, que tu as ta victoire. And that's why don't labor to pass your exam, you labor to believe it. Deswegen kämpfst du nicht darum, deine Prüfung zu bestehen, und du kämpfst darum, ihm zu glauben. Et c'est pour cela que tu ne te bats pas à passer tes examens, mais tu te bats à croire en lui. Amen. Amen. You know, in the natural world, yes, you labor to do everything. Natürlich, but everything, because it's what is outside that give you things. Mm-hmm. But for him, it's things inside that come out. In der natürlichen Welt musst du für alles, was du tust, kämpfen. Alles, was du tust, musst du dir verdienen, erarbeiten. Aber wenn es um sein Königreich geht, geht es um sein vollbrachtes Werk. Dans le royaume des cieux, par exemple, dans le royaume de ce monde, il s'agit de tout ce que toi tu fais. Tout ce que toi tu fais, ça vient à travers l'extérieur. Mais dans son royaume, ça vient de l'intérieur. Amen. Praise the Lord. Deutéronome 7:17. 5. Mose 7:17. I love it. Deutéronome 5:17. If thou shalt say in your heart, this nation are more than I, how can I dispossess them? If your soul is unrenewed, 7:17. If your soul is unrenewed, if you do not allow him, if you do not believe the message and obey it, and to allow it to clean your soul, how can things work? Wenn du aber in deinem Herzen sagst, diese Völker sind zahlreicher als ich, wie kann ich sie auf den Besitz vertreiben? Wenn du diese Botschaft hörst, aber sie auf der anderen Seite deines Kopfes wieder rauskommt, du nichts damit anfängst, wie soll es dich dann freisetzen? Deutéronome 7:17. Peut-être tu te diras dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Hein? Et c'est comme ça aussi avec nous aujourd'hui. On écoute les messages, mais on est en train de questionner, de dire, mais comment on peut le faire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu peut dire quelque chose comme ça? Mais si tu n'es pas capable à obéir, à croire à la vérité, comment l'Éternel va manifester des histoires dans ta vie si tu n'es même pas capable à croire ou obéir? Praise the Lord. Nicht prüfen, sondern das andere. In Frage stellst immer wieder, wie soll sich dann das, was du immer wieder in Frage stellst, freisetzen? Et qu'est-ce, comment c'est que toi tu es en train de questionner dans ta tête, comment ça va te libérer? Ça peut pas te libérer parce que c'est le contraire de la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Remember John 8, he said, you shall know the truth. You shall know me, I'm your freedom. In Johannes 8 sagt Jesus, du sollst die Wahrheit erkennen. Is the truth. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Du sollst ihn erkennen, Jesus Christus, denn er ist die Wahrheit und diese Wahrheit wird dich frei machen. Et tu vois, même en Jean, il nous dit que tu dois connaître, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira, ça va te libérer. Amen. Tu dois connaître. And how do you know him? You know him through the truth. Und wie erkennst du ihn? The truth. Durch die Wahrheit. You believe the message. That is how. And act on it. That is how you renew, you know. You clean your soul. Du glaubst die Botschaft und du setzt diese Botschaft um. Und so erneuern sich deine Gedanken, so erneuert sich das Innere. Donc tu crois à la vérité et cette vérité te change. C'est comme ça que tu vas renouveler tes pensées. Amen. The message might be so hard. Die Botschaft kann so bitter sein. La vérité peut être vraiment amère. It might be eat my flesh and drink my blood. Vielleicht ist es einer, iss mein Fleisch und trink mein Blut. predigt. Et peut-être c'est une vérité qui te dit de boire son sang et de manger sa chair, donc quelque chose qui est vraiment bizarre. And a lot are running away. Und viele gehen. Et tout le monde, et il y a beaucoup des gens qui se détournent. Please love it. Aber dennoch liebe die Wahrheit. Mais toi, tu dois aimer la vérité. It is for you and not against you. No matter how hard it is. Egal wie hart sie ist, sie ist für dich und nicht gegen dich. Amen. Parce que la vérité, peu importe comment c'est difficile, c'est pour toi et pas contre toi. Praise the Lord. Alleluia. Amen. A change from inside. That's Romans 12, verse 2. Darum geht's in Römer 12, un, un changement de l'intérieur, c'est à ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit Romains 12. Again, Matthew 9, verse 10. Matthäus 9, vers 10. Matthieu 9, verset 10. It said that we be done on earth. Amen. Dein Wille geschehe hier auf Erden. Da, que ta volonté soit faite dans, ici sur terre. That we be done where? On earth. Wo soll dieser Wille geschehen? Hier auf Erden. Où doit être? Nous sommes maintenant encore à Matthieu. Hein? Somebody get on partit à Matthieu. Oui, Matthieu. Matthieu 9, verset. Oh, sorry, Matthew 6. Sorry. Matthew 6. Verse 10. Verset 10 Vers 6, encore. Vers 10 wieder. Amen. Amen. That will be done on earth. Why? Wieso soll dieses Reich kommen? Donc, pourquoi ce royaume doit venir ici sur terre? Because my heart is so weak. Weil der Mensch seinen eigenen Willen hat. Parce que l'être humain a sa propre volonté. Because Satan has his own will for you. Weil der Satan he has his own will for you also. Seinen eigenen Willen hat für dich. Parce que le diable a sa propre volonté pour toi. Because since the change, everything here changed. Everything on earth changed. Seit dem Sündenfall? Now, since the fall. Okay, seit dem Sündenfall hat sich alles verändert hier auf Erden. Parce que depuis la chute de l'homme, tout a été changé ici sur terre. Nothing here is good. Nichts mehr hier auf Erden ist gut. Rien n'est bon ici sur terre. But before the fall, everything was good. Genesis 1, let's go there. Genesis 1, verse 31. Erster Mose. Mais avant la chute du monde, tout était bien. Praise the Lord. Amen. Erster Mose 1. Look at it. Is there? Oui, Genèse 1. Who will help us to read? Who will help us to read? Okay, who will help us to read? Genesis 1. I can see his mouth moving. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Genesis 1, verse 31. It's okay. No problem. No problem. Egal. Amen. Amen. Genesis 1, 31. Genèse 1, 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der sechste Tag. Praise the Lord. Amen. And God saw everything that he had made. And behold, it was very good. Not just good, very nicht good. Nur gut, sondern sehr gut. Everything. Il dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Donc tout était très bon. Praise the Lord. Amen. He never have anything that was not good. He did not create anything nicht gut that was evil. Er hat nichts erschaffen, but good, including death. Auch der Tod. Donc il n'avait rien créé qui n'était pas bon, même la mort. Amen. Amen. Everything, they were all good, including death. Alles war gut, auch der Tod. Tout était bon, même la mort. He created death without power. Er hat den Tod kraftlos erschaffen. Il a créé la mort sans puissance. Man made death powerful. Aber der Mensch hat power to dem death. Tod die Macht gegeben. Mais c'est l'être humain qui a donné la mort, I hope la you understand. Praise the Lord. Hallelujah. But before, even death was good. Aber auch vor dem Sündenfall war der Tod gut. Because he could not kill anyone. Avant la chute de l'homme, la mort était bien. Amen. Ça peut niemanden töten. Mais ça pouvait tuer personne. Death is good when it cannot kill. Der Tod ist gut, wenn er nicht töten kann. La mort est bien si c'est pas capable d'être si c'était pas capable de tuer, la mort était bien. Ça nous dit ici tout était bien et c'est lui qui a créé la mort, donc la mort était bien. Praise the Lord. He introduced death to Adam. Er hat Adam und Eva den Tod vorgestellt. C'est lui qui a introduit, présenté à Adam la mort. He will not told us anything evil to Adam. Er würde nichts Bösartiges Adam vorstellen. Il n'allait jamais présenter ou bien quelque chose qui est mauvais à Adam. Donc tout ce qu'il a fait voir à Adam, c'est quelque chose de bien, comme il a dit, tout était bien. Look at when he introduced death to Adam. Genesis, we are seeing Genesis. Genesis 2, verse Adam 16 and 17. Den Tod vorgestellt hast. 1. Mose 2. On va lire Genèse 2. 16 et 17. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden, thou mayest freely eat. Amen. Amen. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. He introduced death to Adam. Er hat den Tod Adam did not know what death is. Adam wusste nicht, was der Tod ist. C'est lui qui a, on le voit ici, il a dit à Adam, mais tu mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien du mal, car le jour tu en mangeras, tu mourras. Donc il a, c'est ici qu'il a introduit à Adam la mort. Adam ne savait pas qu'est-ce qu'est la mort. This is God. This is man. Dieu. And this is death. Und das ist der Tod. Donc il a dit, ça c'est Dieu, ça c'est l'être humain, et ça c'est la mort. And God said, if you disobey me, your disobedience will become sin, and that sin will empower death to kill you. Und Gott hat gesagt, wenn du mich missachtest, wird dieses Missachten, wird diese Sünde dafür sorgen, dass der Tod die Macht hat, dich zu töten. Et Dieu a dit à Adam, si toi tu me désobéis, tu donnes la puissance à cette mort de te tuer, malgré ça n'a pas de puissance. Amen. Donc il a donné le choix. God never kill anybody. Gott tötet niemanden. Et ça te fait voir que Dieu ne tue personne. Amen. Even that of Ananias and Sapphira, they killed themselves. Genau auch bei Ananias und Sapphira, sie haben sich selbst getötet. Tout comme Ananias et Sapphira, par exemple, à l'église, c'est eux-mêmes qui se sont fait tuer. Praise the Lord. Ils ont choisi lui. If you open the door for death, it will kill you and destroy. Wenn du dem Tod die Türen öffnest, wird er sein Werk vollrichten. Er wird töten, stehen und zerstören. Si tu donnes la puissance à la mort de t'attraper, ça va sûrement te tuer, de voler de toi, de te tuer, de te détruire. The key is to lock the death and shut up and take his power. That his power, you render him powerless. It's in your hand. Aber diese Schlüssel, um den Tod einzusperren und ihn Macht zu entwaffnen, diese Schlüssel sind in deiner Hand. Das ist das, was der Herr hier sagt. Das signifie que ce qu'il dit ici, ça signifie que il a créé la mort et il t'a créé et il t'a donné la clé d'ouvrir la porte de la mort ou bien de le laisser fermer. Donc c'est ta décision, c'est ton choix. Amen. And to empower death is in your hand. Um den Tod zu befähigen, diese Macht zu geben, zu bemächtigen, ist, ich weiß nicht, was das Wort ist, auf jeden Fall, um das zu tun, die Schlüssel dafür hast du in der Hand. Donc pour donner à la mort de la puissance, c'est toi qui as la clé. It means you have the final say. Das heißt, du hast das letzte Wort. Donc ça signifie que c'est toi qui as I love that. Le dernier mot. Praise the Lord. You have the final say. Jesus has the final say. Jesus hat das letzte Wort. Tu as le dernier mot. Jésus-Christ a le dernier mot. Praise the Lord. Amen. You control death. Du kontrollierst. And not death controlling you. Der Tod kontrolliert nicht dich. C'est pas toi qui contrôle. C'est pas la mort qui te contrôle. C'est toi qui contrôle la mort. Praise the Lord. Again, in Matthew 6, verse 10, it said, heaven have its own will for us. Der Himmel hat seinen eigenen Willen für uns. Matthieu 6 nous dit que le royaume des cieux a sa propre volonté pour nous. Amen. He said, your will be done on earth. Here on earth, and not after you die. Dein Wille geschehe hier auf Erden, nicht nach deinem Tod. Que ta volonté soit faite ici sur terre, pas après que tu vas mourir. Amen. And not after your spirit and your body separate. Und nicht erst nachdem dein Körper und dein Geist sich trennen, sich spalten, sondern hier auf Erden soll der Wille des Herrn geschehen. Donc la volonté de Dieu soit faite dans ta vie ici sur terre, pas quand tu vas mourir et ton corps et ton âme va se séparer. Non, ici, quand tu es encore ici présent sur terre. Amen. Amen. And how? Just as it is in heaven. Und wie genauso wie im Himmel soll es sein. Et comme c'est au royaume des cieux, comme aux cieux. Not different from that in heaven. Nicht anders als im Himmel. Pas différent que au royaume des cieux. Is somebody getting it? Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. What I hate most is telling somebody to repent. Was ich am meisten hasse, ist jemandem zu sagen, dass er Buße tun soll. Ce que moi je déteste de plus, c'est de dire à quelqu'un de se repentir. To change. Dass er sich ändern soll. Que la personne doit changer. Because I know people never love to change. Denn ich weiß, dass Menschen es nicht lieben, sich zu verändern. Parce que je sais que les gens détestent de se changer. And they don't love somebody telling them to change. Und sie hassen es noch viel mehr, dass jemand ihnen sagt, dass sie sich verändern sollen. Les gens n'aiment pas de changer eux-mêmes. Et ils détestent aussi que quelqu'un d'autre leur dit de changer. Because they see it as somebody trying to control their life. Denn sehen es als jemand, der versucht ihr Leben zu kontrollieren. Parce que eux, ils voient ça comme si quelqu'un veut contrôler leur vie. Amen. Amen. I hate to tell somebody to repent. Ich hasse es, jemandem zu sagen, dass er Buße tun soll. Et c'est pour cela, moi, à la base, je déteste dire à quelqu'un de se repentir. To repent means to change. Buße tun bedeutet sich zu verändern, sich parce zu que, ändern. Parce que se repentir, ça signifie de changer. Amen. Amen. For me to tell you to change, to repent, it means I'm in the spirit. Dass ich dir sage, dass du Buße tun solltest, da bin ich ganz klar im Geist, weil es nicht meine Art ist. Ça signifie que quand moi je te dis de changer, de te repentir, ça signifie que moi je suis en esprit, parce que je suis pas dans la chair. Parce que si c'était dans la chair, je n'allais jamais le dire. Amen. Amen. Je le dis, soyez sûr que je suis en esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Again, I hate to tell somebody to repent and follow Christ. Ich hasse es, Leuten zu sagen, dass sie Buße tun sollen und Christus folgen like sollen. Das gefällt mir nicht. Moi, je déteste de dire aux gens de changer. I have to be in the spirit to be able to do it. Ich muss im Geist sein, um das in der Lage zu sein, das zu sagen. Je dois être en esprit pour être capable à le dire. Because everything of Christ is not normal. Denn alles von Christus ist nicht normal. Does not make any sense. Es macht keinen Sinn. Parce que tout de Christ n'est pas normal, ça n'a pas de sens. They are not normal, they are not popular. Es ist nicht normal und es ist auch nicht üblich. En five senses, we always bekannt. Question it. Ja, bekannt. C'est pas populaire, c'est pas aussi normal. And Christ, what? En no. Five senses, we always question it. Und die fünf Sinne werden das immer wieder in Frage stellen. Et les cinq sens vont toujours questionner ça. Are you getting it? You know, he said, don't be one with them. In the five senses, we say it's my brother, it's my sister. We question it. Beispielsweise, wenn das Wort sagt, sei nicht eins mit der Welt, aber wir sagen, ja, aber das sind doch meine Geschwister, das ist doch meine Familie. Wir stellen diese Wahrheit in Frage. Par exemple, le cinq sens te dit, ne sois pas un avec eux. Et toi, tu vas te dire, mais c'est ma mère, c'est ma sœur. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 8, please. Matthäus 8. Matthew 8. Amen. Mm-hmm. Matthew 8. Matthäus 8. Matthew 8. Vers 21 and 22. 21 und 22. 21 et 22. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 8, verse 21-22. Matthew 8, 21-22. And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. But Jesus said unto him, follow me, and let the dead bury their dead. You can see that the five senses will call Jesus wicked. Die fünf Sinne würden sagen, dass Jesus somebody have to be in the spirit. Jesus will be in the spirit. Selbstsüchtiger Mensch ist für so eine Aussage. Ein herzloser Mensch. Matthieu 8, 21, 22. Et un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Non? Et tu vois, et Jésus dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc ça va te dire que tu vas voir ici que si tu dis quelque chose comme ça, le monde va dire que Jésus-Christ, il est vraiment un Dieu vraiment méchant. Comment Jésus-Christ peut te dire, tu veux enterrer ton père, il te dit que laisse les morts enterrer leur père. Ça doit être un Dieu vraiment cruel. Amen. Amen. Even with dead, they are dead. He said, let the dead bury their dead. Don't go there. Mm-hmm. You know. Tot und lass zu, dass die Toten ihre Toten begraben. Don't go there. Donc, tu lui dis que ta mère est morte. Il te dit, va, bien, ton père est mort. Dieu, Jésus-Christ te dit, laisse-les. Ce sont des morts, laisse les morts, enterrer leurs morts. C'est vraiment choquant. Mais ça, c'est Jésus-Christ qui le dit ça ici. Who will believe this and accept it if I say it to him? Aber wer würde das glauben und akzeptieren, wenn ich das zu jemandem sagen würde? Jeder würde dann sagen, diese Frau ist herzlos. Mais moi, aujourd'hui, si je le disais ça entre de vous, quelqu'un ici, on va me dire que cette dame ici, elle est vraiment méchante, elle est cruelle. Mais you know, Jésus-Christ, on le connaît, qu'il a dit, on dit Amen. You know, if we can say that, you know, when the Lord is preventing us from going to places, and we can say that he won't, she just want to forbid everything. How much more this? Wenn wir jetzt schon sagen würden, dass weil unsere Pastorin beispielsweise vom Heiligen Geist geleitet uns Dinge verbietet und das dann schon sagen, dass das Kontrolle, Manipulation oder Zwang ist, wie viel mehr würdest du über die Situation, in der Jesus Christus ganz klar zu jemandem sagt, begrab deinen Vater nicht, lass du, dass die Toten das machen. Wie viel mehr würde man in so einer Situation sagen, der ist doch verrückt, das ist doch ein Menschenhasser. Si aujourd'hui, par exemple, même on a des... C'est quand Pasteur nous dit, Maman nous dit quelquefois, ne pars pas à gauche, ne pars pas là-bas. Quelquefois, on dit, elle veut toujours contrôler notre vie. Elle veut nous dire, nous interdire de faire tout. Si déjà comme ça, on pense comme ça. Combien de plus, si elle nous disait quelque chose comme Jésus-Christ a dit ici, laisse les morts enterrer les morts, on sera vraiment choqué. Parce que une chose petite, on n'est même pas capable de le voir en Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He forbid everything. He want to forbid everything. What is? What is next? Wenn die Menschen da schon sagen, diese Person verbietet uns alles, was kommt als nächstes, was wird uns als nächstes genommen? Les gens disent déjà que mais cette dame, elle veut vraiment nous interdire tout. Qu'est-ce qui est la prochaine chose? Qu'est-ce qu'elle va encore nous interdire? Praise the Lord. Hallelujah. Then also verse 19 and 20. Look at it. Verse 19 and 20. And a certain scribe came and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, the foxes have holes, and the birds of the air have nets, but the Son of Man hath nowhere to lay his head. You know, if you tell your mother that you know that you were having a room with her before and comfortable, and say now you don't have anywhere to stay, you don't have anywhere to lay your head. 5 people stay in one room. Or 10 people stay in one room. Just like Jesus is saying here. They will say, who is manipulating you? Oder auch wenn du freiwillig aus deiner Komfortzone rausgehst, Jesus aus dem großen Haus, aus dem du kommst, aus dem warmen, schönen Haus, aus dem du kommst, aus der Gemeinschaft, aus der du kommst, in eine andere Gemeinschaft, wo es andere Dinge, wo du dir mit 10 Leuten ein Zimmer teilen musst, wo es zu eng ist, wo es zu kalt ist, wo all diese Dinge sind, wenn doch die Leute aus deiner Vergangenheit dich fragen, wer hat dich manipuliert, wer kontrolliert dich, dass du das alles aufgibst und dich jetzt hiermit zufrieden gibst. Manipuliert. Ja. Hab ich gesagt. Kontrolliert. Ach so, da manipuliert, kontrolliert, ja. En fait, par exemple, si par exemple tu habites chez ta maman avec ta propre chambre de luxe, tu es vraiment bien là, assis, tu dors, et maintenant tu as décidé de partir avec de vivre avec les enfants de Dieu, ou par exemple vous êtes à 5 ou bien même à 10. Dans une chambre, par exemple, les gens ici vont te dire, mais qui t'a manipulé, qui est en train de laver ton cerveau. Mais ici, Jésus-Christ, c'est la même chose qu'il a fait, c'est la même chose qu'il a dit, qu'il n'a même pas une place où reposer sa tête. Mais ça signifie que si quelqu'un te manipule, quand tu fais des histoires comme ça, donc ça signifie que quelqu'un aussi a manipulé Jésus-Christ. Amen. Jesus never tell us to do what he did not do. Jesus hat uns nie gesagt, das zu tun, was er selber nicht getan hat. Jesus Christ nous a jamais recommandé à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait lui-même. Amen. You know the world today they say is under a spell. Die Welt würde sagen, er ist unter einem Bann, er wurde verhext, verzaubert. Donc il y a beaucoup de gens qui vont dire que bon, Jésus Christ, comme il a fait les histoires ici, il était vraiment en captivité, vraiment là, on l'a vraiment Just like Jesus is under the spell of the Holy Ghost. Genauso wie Jesus. We are under the spell of the Heiligen Geistes. Wir sind im Bann des Heiligen Geistes. Donc, vu que Jésus-Christ il a vraiment été contrôlé par le Saint-Esprit, c'est comme ça que nous aussi, on est aussi entré sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. You know, years ago, somebody would tell me that we have a house like this, everything from up to down, and here will not be metro or mento or what do you call it, business center. I will say somebody is going to manipulate me then. If not, you can, nothing can stop me. Wenn man mir vorher gesagt hätte, dass ich so ein riesiges, großes Haus haben würde und aus diesem Haus kein Einkaufszentrum machen würde oder keine Miete, oder kein Hotel. Because anywhere, anytime I see everywhere here, I see money. Ne? Und ich das nicht nutzen würde für diese Dinge, würde ich auch denken, okay, anscheinend werde ich dann manipuliert oder kontrolliert. Weil sonst würde ich das natürlich machen, weil ich in jedem Raum hier Geld sehe, Geldscheine sehe. Si quelqu'un me disait auparavant que j'aurais une maison grande comme celle-ci et je n'aurais même pas des marchés ici, mais du business ici, j'allais dire que pour moi, d'avoir une maison grande comme ça et pas avoir des business dans cette maison-là, ça signifie que quelqu'un m'a manipulé. Mais c'est ce qui se passe effectivement aujourd'hui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In John 8, as close as they were to Christ Jesus, the Jews, Jesus called their father the devil. Johannes 8 lesen wir, dass obwohl Jesus so nah zu den Juden stand, hat er ihnen dennoch gesagt, dass ihr Vater der Satan ist. Donc Jean 8 nous dit ici aussi quelquefois que malgré Jésus-Christ était dans la ligne de pharisée, par exemple, était vraiment si proche d'eux, il a dit que votre père, c'est le diable. Malgré, normalement, charnellement, il les appartenait à eux. You know, so close, but very far. So nah, aber doch so fern. Donc, si proche, mais si loin. And Jesus called your father the devil. Und Jesus hat ihren Vater den Satan genannt. Mais Jésus-Christ a appelé, il a dit que leur père, c'est le diable.